des pigeons, se faire bien rencontrer de nouvelles recrues, boire, rigoler, chanter, faire ça dans la rue. Et là, mon esculpté au courant, des professeurs qu'on a pris n'entend pas du temps. Je sais pas non plus ce qu'il y a prévu ce soir, on va encore finir, et ouais. Je me lève, il est déjà trop tard, mais paraîtrait qu'il existe un fameux remède. Alors il faut que j'aille voir pour qu'on m'aide. Salut Doc, comment ça va? Je m'excuse, mais j'ai encore besoin de toi. Mais hier soir j'ai fini la tête à l'envers, c'était l'anniversaire d'un expert. Et puis demain matin, je serai pas crevé. Et mec, je prends plus d'heure.